Chapitre 3 de Les Dents du Tigre par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 3. La turquoise morte. Il était environ 9h du matin lorsque le préfet de police entra dans le bureau où s'était déroulé le drame incompréhensible de ce double et mystérieux assassinat. Il ne salua même pas Don Luis et les magistrats qui l'accompagnaient auraient pu croire que Don Luis n'était qu'un auxiliaire du brigadier Mazeroux. Si le chef de la sûreté n'eut eu soin de préciser en quelques mots le rôle de cet intrus. Brièvement, M. Desmalions examina les deux cadavres et se fit donner par Mazeroux de rapides explications. Puis, regagnant le vestibule, il monta dans un salon du premier étage où Mme Fauville, prévenue de sa visite, le rejoignit presque aussitôt. Perrena, qui n'avait pas bougé du couloir, à son tour se glissa dans le vestibule que les domestiques de l'hôtel, déjà mis au courant du crime, traversaient en tous sens. Et il descendit les quelques marches qui conduisaient à un premier palier, sur lequel s'ouvrait la grande porte. Deux hommes étaient là, dont l'un lui dit « On ne passe pas, mais on ne passe pas, c'est la consigne. » « La consigne ? Et qui donc l'a donnée ?»« Le préfet lui-même. »« Pas de veine, » dit Perrena en riant. « J'ai veillé toute la nuit et je crève de faim. Pas moyen de se mettre quelque chose sous la dent ?» Les deux agents se regardèrent. Puis l'un d'eux fit signe à Sylvestre, le domestique, qui s'approcha et avec lequel il s'entretint. Sylvestre s'en alla, du côté de la salle à manger et de l'office, et rapporta un croissant. « Bien, » pensa Don Luis après avoir remercié. « La preuve est faite, je suis bouclé. C'est ce que je voulais savoir. Mais M. Desmalions manque de logique. Car, si c'est Arsène Lupin qu'il a l'intention de retenir ici, tous ces braves agents sont quelque peu insuffisants. Et si c'est Don Luis Perrena, ils sont inutiles, puisque la fuite du sieur Perrena enlèverait au sieur Perrena toute chance de palper la galette du bon Cosmo. Sur quoi je m'assieds. » Il reprit sa place en effet dans le couloir et attendit les événements. Par la porte ouverte du bureau, il vit les magistrats poursuivre leur enquête. Le médecin légiste fit un premier examen des deux cadavres et reconnut aussitôt les mêmes indices d'empoisonnement qu'il avait lui-même constatés la veille au soir sur le cadavre de l'inspecteur Véraud. Puis des agents soulevèrent les corps que l'on transporta dans les deux chambres contiguës que le père et le fils occupaient naguère au second étage de l'hôtel. Le préfet de police redescendit alors. Et Don Luis saisit ces paroles qu'il adressait au magistrat. « Pauvre femme, elle ne voulait pas comprendre. Quand elle a compris, elle est tombée raide par terre, évanouie. Pensez donc, son mari et son fils d'un seul coup, la malheureuse. » À partir de ce moment, il ne vit plus rien et n'entendit plus rien. La porte fut fermée. Le préfet dut ensuite donner des ordres de l'extérieur, par la communication que le jardin offrait avec l'entrée principale. Car les deux agents vinrent s'installer dans le vestibule. À l'issue même du couloir, à droite et à gauche de la tapisserie. Décidément, se dit Perrena, mes actions ne sont pas en hausse. Quelle bile doit se faire à Alexandre ? Non, mais quelle bile ! À midi, Sylvestre lui apporta quelques aliments sur un plateau. Et l'attente recommença, très longue, pénible. Dans le bureau et dans l'hôtel, l'enquête, interrompue par le déjeuner, avait repris. Il percevait de tous côtés des allées et venues et des bruits de voix. À la fin, fatigué, ennuyé, il se renversa sur son fauteuil et s'endormit. Il était 4h lorsque le brigadier Mazeroux le réveilla. Et tout en le conduisant, Mazeroux chuchotait. « Eh bien, vous l'avez découvert ? Qui ? Le coupable ?»« Parbleu, » dit Perrena, « c'est simple comme bonjour. »« Ah, heureusement, » fit Mazeroux tout joyeux et ne comprenant pas la plaisanterie. « Sans cela, comme vous le disiez, vous étiez fichu. » Don Luis entra. Dans la pièce se trouvaient réunis le procureur de la République, le juge d'instruction, le chef de la sûreté, le commissaire du quartier, deux inspecteurs et trois agents en uniforme. Dehors, sur le boulevard Suchet, s'élevaient des clameurs. Et quand le commissaire et les trois agents, obéissant au préfet, sortirent pour écarter la foule, on entendit la voix éraillée d'un camelot qui hurlait « Le double assassinat du boulevard Suchet ! Curieux détail sur la mort de l'inspecteur Véraud ! Le désarroi de la police !» Puis la porte close, ce fut le silence. « Mazeroux ne se trompait pas, » pensa Don Luis. « Moi ou l'autre, c'est net. » Si je ne parviens pas à tirer des paroles qui vont être dites et des faits qui vont se produire au cours de cet interrogatoire, quelques lumières qui me permettent de leur désigner cet hit mystérieux, c'est moi qu'ils livreront ce soir en pâture au public. Attention, mon bon Lupin. Il eut ce frisson de joie qui le faisait tressaillir à l'approche des grandes luttes. Celle-là, en vérité, comptait au nombre des plus terribles qu'il eût encore soutenues. Il connaissait la réputation du préfet, son expérience, sa ténacité. Le plaisir très vif qu'il éprouvait à s'occuper des instructions importantes et à les pousser lui-même à fond, avant de les remettre aux mains du juge. Et Perenna connaissait aussi toutes les qualités professionnelles du chef de la sûreté, toute la finesse, toute la logique pénétrante du juge d'instruction. Ce fut le préfet de police qui dirigea l'attaque. Il le fit nettement, sans détour, d'une voix un peu sèche, où il n'y avait plus, à l'égard de Don Luis, les mêmes intonations de sympathie. L'attitude également était plus raide, et manquait de cette bonhomie qui, la veille, avait frappé Don Luis. « Monsieur, dit-il, les circonstances ayant voulu que, comme légataire universel et comme représentant de M. Cosmo Mornington, vous passiez la nuit dans ce rez-de-chaussée, tandis qu'il s'y commettait un double assassinat, nous désirons recevoir votre témoignage détaillé sur les divers incidents de cette nuit. » En d'autres termes, monsieur le préfet, dit Perenna qui riposta directement à l'attaque, en d'autres termes, les circonstances ayant voulu que vous m'accordiez l'autorisation de passer la nuit ici, vous seriez désireux de savoir si mon témoignage correspond exactement à celui du brigadier Mazerou. Oui, dit le préfet. C'est-à-dire que mon rôle vous semble suspect. Monsieur Desmalions hésita. Ses yeux s'attachèrent aux yeux de Don Luis. Visiblement, il fut impressionné par ce regard si franc. Néanmoins, il répondit, et sa réponse était claire et son accent brusque. « Vous n'avez pas de questions à me poser, monsieur. » Don Luis s'inclina. « Je suis à vos ordres, monsieur le préfet. Veuillez nous dire ce que vous savez. » Don Luis fit alors une relation minutieuse des événements, à la suite de quoi M. Desmalions réfléchit quelques instants et dit « Il est un point au sujet duquel il nous faut quelques éclaircissements. Lorsque vous êtes entré ce matin à 2h30 dans cette pièce et que vous avez pris place à côté de M. Fauville, aucun indice ne vous a révélé qu'il était mort. Aucun, monsieur le préfet. Sinon, le brigadier Mazerou et moi, nous aurions donné l'alarme. La porte du jardin était fermée ? Elle l'était, forcément, puisque nous avons dû l'ouvrir à 7h du matin. Avec quoi ? Avec la clé du trousseau. Mais comment des assassins, venus du dehors, auraient-ils pu l'ouvrir, eux ? Avec de fausses clés. Vous avez une preuve qui vous permet de supposer qu'elle a été ouverte avec de fausses clés ? Non, monsieur le préfet. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous devons penser qu'elle n'a pas pu être ouverte du dehors et que le coupable se trouvait à l'intérieur. Mais enfin, monsieur le préfet, il n'y avait là que le brigadier Mazerou et moi ? Il y eut un silence. Un silence dont la signification ne faisait aucun doute et auquel les paroles de monsieur Desmalions allaient donner une valeur plus précise encore. Vous n'avez pas dormi de la nuit ? Si, vers la fin. Vous n'avez pas dormi auparavant, tandis que vous étiez dans le couloir ? Non. Et le brigadier Mazerou ? Don Luis resta indécis une seconde. Mais pouvait-il espérer que l'honnête et scrupuleux Mazerou eût désobéi aux ordres de sa conscience ? Il répondit. Le brigadier Mazerou s'est endormi sur son fauteuil, et il ne s'est réveillé qu'au retour de Madame Fauville, 2 heures plus tard. Il y eut un nouveau silence, et qui signifiait évidemment celui-là. Donc, pendant les 2 heures que le brigadier Mazerou dormait, il vous eût été matériellement possible d'ouvrir la porte et de supprimer les deux Fauville. L'interrogatoire suivait la marche que Perenna avait prévue, et le cercle se restreignait autour de lui. Son adversaire menait le combat avec une logique et une vigueur qu'il admirait sans réserve. « Bigre !» se disait-il. « Que c'est malaisé de se défendre quand on est innocent. Voilà mon aile droite et mon aile gauche enfoncées. Le centre pourra-t-il supporter l'assaut ?» Monsieur Desmalions, après s'être concerté avec le juge d'instruction, reprit la parole en ces termes. « Hier soir, lorsque M. Fauville ouvrit son coffre-fort devant vous et devant le brigadier, qui avait-il dans ce coffre ? Un amoncellement de paperasses sur un des rayons et, parmi ces paperasses, le cahier de toile grise qui a disparu. Vous n'avez pas touché à ces paperasses ? Pas plus qu'au coffre, monsieur le préfet. Le brigadier Mazerou a dû même vous dire que ce matin, pour la régularité de l'enquête, il m'a tenu à l'écart. Donc, de vous à ce coffre, il n'y a pas eu le moindre contact. Pas le moindre. » Monsieur Desmalions regarda le juge d'instruction en hochant la tête. Si Perenna avait pu douter qu'un piège lui fût tendu, il lui suffit, pour être renseigné, de jeter un coup d'œil sur Mazerou. Mazerou était livide. Cependant, Monsieur Desmalions continua. « Vous êtes occupé d'enquête, monsieur, d'enquête policière. C'est donc au détective qui fit ses preuves que je vais poser une question. Je répondrai de mon mieux, monsieur le préfet. Voici. Au cas où il y aurait actuellement dans le coffre-fort un objet quelconque, un bijou, mettons un brillant détaché d'une épingle de cravate, et que ce brillant fût détaché d'une épingle de cravate appartenant, sans contestation possible, à une personne connue de nous, personne ayant passé la nuit dans cet hôtel, que penseriez-vous de cette coïncidence ? Ça y est, se dit Perenna, voilà le piège. Il est clair qu'ils ont trouvé quelque chose dans le coffre, et qu'ensuite qu'ils s'imaginent que ce quelque chose m'appartient. Bien, et pour cela, il faudrait supposer, puisque ce n'est pas touché au coffre, que ce quelque chose m'était dérobé, et qu'on l'eût placé dans le coffre pour me compromettre. Et c'est impossible, puisque je ne suis mêlé à cette affaire que depuis hier soir, et qu'on n'a pas eu le temps, durant cette nuit où je n'ai vu personne, de préparer contre moi une intrigue aussi ardue. Donc, le préfet de police interrompit ce monologue et répéta « Quelle serait votre opinion ? Il y aurait, monsieur le préfet, corrélation indéniable entre la présence de cet individu dans l'hôtel et les deux crimes commis. Nous aurions par conséquent le droit, tout au moins, de soupçonner cet individu. Oui. C'est votre avis ? Très net. » Monsieur Desmalions sortit de sa poche un papier de soie qu'il déplia et saisit entre deux doigts une petite pierre bleue qu'il montra. « Voici une turquoise que nous avons trouvée dans le coffre. Cette turquoise, sans aucune espèce de doute, fait partie de la bague que vous portez à l'index. » Un accès de rage secoua Don Luis. Il grinça, les dents serrées. « Ah, les coquins ! Sont-ils forts tout de même ? Mais non, je ne puis croire !» Il examina sa bague. Le chaton en était formé par une grosse turquoise éteinte, morte, qu'entourait un cercle de petites turquoises irrégulières, d'un bleu également pâle. L'une d'elles manquait. Celle que M. Desmalions tenait à la main la remplaça, exactement. M. Desmalions prononça. « Qu'en dites-vous ? Je dis que cette turquoise fait partie de ma bague. Bague qui me fut donnée par Cosmo Mornington la première fois que je lui sauvais la vie. Donc, nous sommes d'accord ? Oui, monsieur le préfet, nous sommes d'accord. » Don Luis Perena se mit à marcher à travers la pièce en réfléchissant. Au mouvement que les agents de la sûreté firent vers chacune des portes, il comprit que son arrestation avait été prévue. Une parole de M. Desmalions et le brigadier Mazerou serait obligé de mettre la main au collet de son patron. De nouveau, Don Luis lança un coup d'œil vers son ancien complice. Mazerou esquissa un geste de supplication, comme s'il voulut dire « Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour leur livrer le coupable ? Vite, il est temps !» Don Luis sourit. « Qui a-t-il ? » demanda le préfet, d'un ton où plus rien ne perçait, de cette sorte de politesse involontaire que, malgré tout, il lui témoignait depuis le début de l'instruction. « Il y a... » Perena saisit une chaise par le dossier, la fit pirouetter et s'assit en disant ce simple mot. « Causons !» Et le mot était dit de telle manière, et le mouvement exécuté avec tant de décision, que le préfet murmura, comme ébranlé. « Je ne vois pas bien, vous allez comprendre, monsieur le préfet. » Et la voix lente, en scandant chacune des syllabes de son discours, il commença. « Monsieur le préfet, la situation est limpide. Vous m'avez donné hier soir une autorisation qui engage votre responsabilité de la façon la plus grave. Ils vous font donc, à tout prix et sur le champ, un coupable. Le coupable, ce sera donc moi. Comme charge, vous avez ma présence ici. Le fait que la porte était fermée à l'intérieur. Le fait que le brigadier Mazerou dormait pendant le crime. Et la découverte, dans le coffre, de cette turquoise. C'est écrasant, je l'avoue. Ici ajoute cette présomption terrible que j'avais tout intérêt à la disparition de M. Fauville et de son fils, puisque s'il n'existe pas d'héritier de Cosmo Mornington, je touche 200 millions. Parfait. Il n'y a donc plus pour moi qu'à vous suivre au dépôt. Ou bien à remettre entre vos mains le coupable, le vrai coupable. » Le préfet de police sourit ironiquement et tira sa montre. « J'attends. Ce sera l'affaire d'une petite heure, monsieur le préfet, » dit Perena. « Pas davantage, si vous me laissez toute latitude. Et la recherche de la vérité vaut bien, il me semble, un peu de patience. »« J'attends, » répéta monsieur Desmalions. « Brigadier Mazerou, veuillez dire au sieur Sylvestre, domestique, que monsieur le préfet désire le voir. » Sur un signe de monsieur Desmalions, Mazerou sortit. Don Luis s'expliqua. « Monsieur le préfet, si la découverte de la turquoise constitue à vos yeux une preuve extrêmement grave, elle est pour moi une révélation de la plus haute importance. Voici pourquoi. Cette turquoise a dû se détacher de ma bague hier soir et rouler sur le tapis. Or, 4 personnes seulement ont pu remarquer cette chute pendant qu'elle se produisait, ramasser la turquoise et, pour compromettre l'ennemi nouveau que j'étais, la glisser dans le coffre. La première de ces personnes est un de vos agents, le brigadier Mazerou. N'en parlons pas. La seconde est morte. C'est M. Fauville. N'en parlons pas. La troisième, c'est le domestique Sylvestre. Je voudrais lui dire quelques mots, ce sera bref. » L'audition de Sylvestre fut brève, en effet. Le domestique put prouver que, avant l'arrivée de Mme Fauville, à qui il devait ouvrir la porte, il n'avait pas quitté la cuisine, où il jouait aux cartes avec la femme de chambre et un autre domestique. « C'est bien, » dit Perena. « Un mot encore. Vous avez dû lire dans les journaux de ce matin la mort de l'inspecteur Véraud et voir son portrait. « Oui. Connaissez-vous l'inspecteur Véraud ? Non. Pourtant, il est probable qu'il a dû venir ici dans la journée. « Je l'ignore, » répondit le domestique. « Monsieur Fauville recevait beaucoup de personnes par le jardin, et il leur ouvrait lui-même. « Vous n'avez pas d'autres dépositions à faire ? Aucune. Veuillez prévenir Madame Fauville que monsieur le préfet serait heureux de lui parler. Sylvestre se retira. Le juge d'instruction et le procureur de la République s'étaient approchés avec étonnement. Le préfet s'écria. « Quoi, monsieur ? Vous n'allez pas prétendre que madame Fauville serait pour quelque chose ?»« Monsieur le préfet, madame Fauville est la quatrième personne qui ait pu voir tomber ma turquoise. »« Et après, a-t-on le droit, sans une preuve réelle, de supposer qu'une femme puisse tuer son mari ? Qu'une mère puisse empoisonner son fils ? Je ne suppose rien, monsieur le préfet. » »« Alors ?» Louis ne répondit point. Monsieur Desmalions ne cachait pas son irritation, cependant il dit. « Soit, mais je vous donne l'ordre absolu de garder le silence. Quelle question dois-je poser à madame Fauville ?»« Une seule, monsieur le préfet. Madame Fauville connaît-elle, en dehors de son mari, un descendant des sœurs Roussel ? Pourquoi cette question ? Parce que, si ce descendant existe, ce n'est pas moi qui irai des millions, mais lui. Et c'est alors lui, et non pas moi, qui aurait intérêt à la disparition de monsieur Fauville et de son fils. « Évidemment, évidemment !» murmura M. Desmalions. « Encore faudrait-il que cette nouvelle piste ?» Madame Fauville entra sur ses paroles. Son visage restait gracieux et charmant, malgré les pleurs qui avaient rougi ses paupières et altéré la fraîcheur de ses joues. Mais ses yeux exprimaient l'effarement de l'épouvante, et la pensée obsédante du drame donnait à toute sa jolie personne, à sa démarche, ses mouvements, quelque chose de fébrile et de saccadé qui faisait peine à voir. « Asseyez-vous, madame !» lui dit le préfet avec une déférence extrême. Et pardonnez-moi de vous imposer la fatigue d'une nouvelle émotion. Mais le temps est précieux, et nous devons tout faire pour que les deux victimes que vous pleurez soient vengées sans retard. Des larmes encore s'échappèrent des beaux yeux. Et avec un sanglot, elle balbutia. Puisque la justice a besoin de moi, monsieur le préfet. Oui, il s'agit d'un renseignement. La mère de votre mari est morte, n'est-ce pas? Oui, monsieur le préfet. Elle était bien originaire de Saint-Étienne, et s'appelait de son nom de jeune fille Roussel. Oui, Élisabeth Roussel. Oui. « Votre mari avait-il un frère ou une sœur ?»« Non. Par conséquent, il ne reste plus aucun descendant d'Élisabeth Roussel. »« Aucun. Bien. Mais Élisabeth Roussel avait deux sœurs, n'est-ce pas ?»« Oui. Hermeline Roussel, l'aînée, c'est Zila, et personne n'entendait plus parler d'elle. »« L'autre, la plus jeune ?»« L'autre s'appelait Armande Roussel. C'était ma mère. »« Hein ? Comment ?»« Je dis que ma mère s'appelait, de son nom de jeune fille, Armande Roussel, et que j'ai épousé mon cousin. » Le fils d'Élisabeth Roussel. Ce fut un véritable coup de théâtre. Ainsi donc, Hippolyte Fauville et son fils Edmond, descendant direct de la sœur aînée étant mort, l'héritage de Cosmo Mornington passait à l'autre branche, celle d'Armande Roussel, et cette branche cadette était représentée jusqu'ici par madame Fauville. Le préfet de police et le juge d'instruction échangèrent un regard, après quoi l'un et l'autre se tournèrent instinctivement du côté de Don Luis Perena. Il ne broncha pas. Le préfet demanda « Vous n'avez pas de frère ni de sœur, madame ?»« Non, monsieur le préfet, je suis seul. »« Seul ? » ?»« C'est-à-dire que rigoureusement, sans aucune espèce de contestation, maintenant que son mari et son fils étaient morts, les millions de Cosmo Mornington lui revenaient à elle seule. » Une idée affreuse cependant, un cauchemar, pesait sur les magistrats, et ils ne pouvaient s'en délivrer. La femme qu'ils avaient devant eux était la mère d'Edmond Fauville. Monsieur Desmalions observa Don Luis Perena. Celui-ci avait écrit quelques mots sur une carte qu'il tendit à M. Desmalions. Le préfet, qui peu à peu reprenait vis-à-vis de Don Luis son attitude courtoise de la veille, lut cette carte, réfléchit un instant et posa cette question à Mme Fauville. « Quel âge avait votre fils, Edmond ?»« 17 ans. »« Vous paraissez si jeune. »« Edmond n'était pas mon fils, mais mon beau-fils, le fils d'une première femme que mon mari avait épousée et qui est morte. »« Ah, ainsi, Edmond Fauville ?» murmura le préfet qui n'acheva pas sa phrase. En 2 minutes, toute la situation avait changé. Aux yeux des magistrats, Madame Fauville n'était plus la veuve et la mère inattaquable. Elle devenait tout à coup une femme, que les circonstances exigeaient que l'on l'interrogeât. Si prévenu que l'on fût en sa faveur, si charmé par la séduction de sa beauté, il était impossible qu'on ne se demandât pas si, pour une raison quelconque, pour être seule, par exemple, à jouir de l'énorme fortune, elle n'avait pas eu la folie de tuer son mari. Et l'enfant, qui n'était que le fils de son mari ? En tout cas, la question se posait, il fallait la résoudre. Le préfet de police reprit. « Connaissez-vous cette turquoise ?» Elle saisit la pierre qu'on lui tendait et l'examina, sans le moindre trouble. « Non, dit-elle, j'ai un collier en turquoise que je ne mets jamais, mais les pierres sont plus grosses, et aucune d'elles n'a cette forme irrégulière. Nous avons recueilli celle-ci dans le coffre-fort, dit M. Desmalions. Elle fait partie d'une bague qui appartient à une personne que nous connaissons. « Eh bien, fit-elle vivement, il faut retrouver cette personne. »« Elle est ici, dit le préfet, en désignant Don Luis, qui, se tenant à l'écart, n'avait pas été remarqué par Mme Fauville. Elle tressaillit en voyant Perenna et s'écria très agitée. « Mais ce monsieur était là hier soir. Il causait avec mon mari. Et tenez, avec cet autre monsieur, » dit-elle en montrant le brigadier Masrou. « Il faut les interroger. Savoir pour quelles raisons ils sont venus. Vous comprenez que si cette turquoise appartient à l'un d'eux ?» L'insinuation était claire, mais combien maladroite. Et comme elle donnait du poids à l'argumentation de Perenna. « Cette turquoise a été ramassée par quelqu'un qui m'a vu hier soir et qui veut me compromettre. Or, en dehors de M. Fauville et du brigadier, deux personnes seulement m'ont vu, le domestique Sylvestre et Mme Fauville. Par conséquent, le domestique Sylvestre étant hors de cause, j'accuse Mme Fauville d'avoir mis la turquoise dans ce coffre-fort. » Monsieur Desmaillons reprit. « Voulez-vous me faire voir votre collier, madame ? Certes, il est avec mes autres bijoux, dans mon armoire à glace, je vais y aller. Ne vous donnez pas cette peine, madame. Votre femme de chambre le connaît ? Très bien. » En ce cas, le brigadier Masrou va s'entendre avec elle. Durant les quelques minutes que dura l'absence de Masrou, aucune parole ne fut échangée. Madame Fauville semblait absorbée par sa douleur. Monsieur Desmaillons ne la quittait pas des yeux. Le brigadier revint. Il apportait une grande cassette qui contenait beaucoup d'écrins et de bijoux. Monsieur Desmaillons trouva le collier, l'examina, et put constater que, en effet, les pierres différaient de la turquoise et qu'aucune d'elles ne manquait. Mais, ayant écarté l'un de l'autre deux écrins pour dégager un diadème, où il y avait également des pierres bleues, il eut un geste de surprise. « Qu'est-ce que c'est que ces deux clés ? » demanda-t-il en montrant deux clés identiques, comme forme, à celle qui ouvrait le verrou et la serrure de la porte du jardin. Madame Fauville resta fort calme. Pas un muscle de son visage ne bougea. Rien n'indiqua que cette découverte pût la troubler. Elle dit uniquement « Je ne sais pas, il y a longtemps qu'elles sont ici. »« Masrou, » dit M. Desmaillons, « essayez-les à cette porte. » Masrou exécuta l'ordre. La porte fut ouverte. « En effet, » dit Madame Fauville, « je me souviens maintenant que mon mari me les avait confiés. Je les avais en double. » Ces mots furent prononcés du ton le plus naturel, et comme si la jeune femme n'eût même pas entrevu la charge terrible qui se levait contre elle. Et rien n'était plus angoissant que cette tranquillité. Était-ce la marque d'une innocence absolue? Ou la ruse infernale d'une criminelle que rien ne pouvait émouvoir? Ne comprenait-elle rien au drame qui se jouait et dont elle était l'héroïne, inconsciente? Ou bien devinait-elle l'accusation terrible qui, peu à peu, l'enserrait de toutes parts et la menaçait du danger, le plus effrayant? Mais en ce cas, comment avait-elle pu commettre la maladresse inouïe de conserver ces deux clés? Une série de questions s'imposait à l'esprit de tous. Le préfet de police s'exprima ainsi. « Pendant que le crime s'accomplissait, vous étiez absente, n'est-ce pas, madame ?»« Oui. Vous avez été à l'opéra. »« Oui, et ensuite à la soirée d'une de mes amies, madame Dersinger. »« Votre chauffeur vous accompagnait ?»« En allant à l'opéra, oui. Mais je l'ai renvoyé à son garage, et il est venu me rechercher à la soirée. »« Ah !» fit monsieur Desmaillons. « Mais comment avez-vous été de l'opéra chez madame Dersinger ?» Pour la première fois, madame Fauville parut comprendre qu'elle était l'objet d'un véritable interrogatoire. Et son regard, son attitude, trahir une sorte de malaise, elle répondit « J'ai pris une automobile. » « Dans la rue ?»« Sur la place de l'Opéra. » « À minuit, par conséquent. » « Non, à 11h30. Je suis parti avant la fin du spectacle. » « Vous aviez hâte d'arriver chez votre ami ?»« Oui, ou plutôt... » Elle s'arrêta. Ses joues étaient empourprées. Un tremblement agita ses lèvres et son menton, et elle dit « Pourquoi toutes ces questions ?»« Elles sont nécessaires, madame. Elles peuvent nous éclairer. Je vous supplie donc d'y répondre. À quelle heure êtes-vous arrivé chez votre ami ?» Je ne sais pas trop, je n'ai pas fait attention. Vous y avez été directement? Presque. Comment presque? Oui, j'avais un peu mal à la tête. J'ai dit au chauffeur de monter les Champs-Élysées, l'avenue du Bois, très lentement, et puis de redescendre les Champs-Élysées. Elle s'embarrassait de plus en plus. Sa voix devenait indistincte. Elle baissa la tête et se tut. Certes, il n'y avait pas d'aveu dans ce silence, et rien n'autorisait à croire que son accablement fût autre chose qu'une conséquence de sa douleur. Mais cependant, elle semblait si lasse qu'on eût pu dire que, se sentant perdue, elle renonçait à la lutte. Et c'était presque de la pitié qu'on éprouvait pour cette femme, contre qui se tournaient toutes les circonstances, et qui se défendait si mal qu'on hésitait à la presser davantage. De fait, M. Desmaillons avait l'air indécis, comme si la victoire eût été trop facile, et qu'il eût eu quelques scrupules à la poursuivre. Machinalement, il observa Perenna. Celui-ci lui tendit un bout de papier en disant « Voici le numéro du téléphone de Mme Dersinger. » M. Desmaillons murmura. « Oui, en effet, on peut savoir. » Et décrochant le récepteur, il demanda « Allô, Louvre 2504, s'il vous plaît ?» Et tout de suite, obtenant la communication, il continua « Qui est à l'appareil ? Le maître d'hôtel ? Ah, bien. Est-ce que Madame Dersinger est chez elle ? Non. Et monsieur ? Non plus. Mais j'y pense, vous pourriez me répondre à ce sujet. Je suis monsieur Desmaillons, préfet de police, et j'aurais besoin d'un renseignement. À quelle heure Madame Fauville est-elle arrivée cette nuit ? Comment dites-vous ? Vous êtes sûr? À 2 heures du matin? Pas avant? Et elle est repartie? Au bout de 10 minutes, n'est-ce pas? Bien. Donc, sur l'heure d'arrivée, vous ne vous trompez pas. J'insiste là-dessus de la façon la plus formelle. Alors, c'est à 2 heures du matin? 2 heures du matin. Bien, je vous remercie. Lorsque monsieur Desmalions se retourna, il aperçut, debout près de lui, madame Fauville qui le regardait avec une angoisse folle. Et la même idée revint à l'esprit des assistants. Ils étaient en présence d'une femme absolument innocente ou d'une comédienne exceptionnelle, dont le visage se prêtait à l'expression la plus parfaite de l'innocence. « Qu'est-ce que vous voulez ? » balbutia-t-elle. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Expliquez-vous. » Alors monsieur Desmalions demanda simplement. « Qu'avez-vous fait cette nuit, de 11h30 du soir à 2h du matin ?» Question terrifiante, au point où l'interrogatoire avait été amené. Question fatale qui signifiait « Si vous ne pouvez pas donner l'emploi rigoureusement exact de votre temps, pendant que le crime s'accomplissait, nous avons le droit de conclure que vous n'êtes pas étrangère au meurtre de votre mari, de votre beau-fils. » Elle le comprit ainsi, et vacilla sur ses jambes, en gémissant. « C'est horrible, c'est horrible !» Le préfet répéta. « Qu'avez-vous fait ? La réponse doit vous être facile. »« Oh » dit-elle sur ce même ton lamentable. « Comment pouvez-vous croire ? Oh non, non, est-il possible ? Comment pouvez-vous croire ?»« Je ne crois rien encore, » fit-il. « D'un mot d'ailleurs, vous pouvez établir la vérité. » Ce mot, on eût supposé au mouvement de ses lèvres et au geste soudain de résolution qui la souleva qu'elle allait le dire. Mais elle parut tout à coup stupéfaite, bouleversée, articula quelques syllabes inintelligibles et s'écroula sur un fauteuil avec des sanglots convulsifs et des cris de désespoir. C'était l'aveu. C'était tout au moins l'aveu de son impuissance à fournir l'explication plausible qui eut clos ce débat. Le préfet de police s'écarta d'elle et s'entretint à voix basse avec le juge d'instruction et le procureur de la République. Perrena et le brigadier Mazeroux demeurèrent seuls l'un près de l'autre. Mazeroux murmura. « Qu'est-ce que je vous disais ? Je savais bien que vous trouveriez. Ah, quel homme vous faites ! Vous avez mené ça ?» Il rayonnait à l'idée que le patron était hors de cause et n'avait plus maille à partir avec ses chefs à lui, Mazeroux. Ses chefs qu'il vénérait presque à l'égal du patron. Tout le monde s'entendait maintenant. On était des amis. Mazeroux suffoquait de joie. « On va la coffrer, hein ?»« Non, dit Perrena. Il n'y a pas assez de prises pour qu'on la mette sous mandat. »« Comment ?» grogna Mazeroux indigné. « Pas assez de prises. » »« J'espère bien, en tout cas, que vous n'allez pas la lâcher. » »« Avec ça qu'elle mettait des gants, elle, pour vous attaquer. »« Allons, patron, achevez-la, une pareille diablesse. » Don Luis demeurait pensif. Il songeait aux coïncidences inouïes, à l'ensemble de faits qui traquaient de toutes parts Madame Fauville. Et la preuve décisive, qui devait réunir tous ces faits les uns aux autres, et donner à l'accusation la base qui lui manquait encore, cette preuve, Perrena pouvait la fournir. C'était la morsure des dents sur la pomme cachée parmi les feuillages du jardin. Pour la justice, cela vaudrait une empreinte de doigt. D'autant que l'on pouvait corroborer les marques avec celles que portait la tablette de chocolat. Pourtant, il hésitait. Et, de toute son attention anxieuse, il examinait, avec un mélange de pitié et de répulsion, cette femme, qui, selon toute vraisemblance, avait tué son mari et le fils de son mari. Devait-il lui porter le coup de grâce ? Avait-il le droit de jouer ce rôle de justicier ? Et s'il se trompait ? Monsieur Desmalions, cependant, s'était rapproché de lui. Et tout en affectant de parler à Mazeroux, ce fut à Perrena qu'il dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Mazeroux hocha la tête. Don Luis répliqua « Je pense, monsieur le préfet, que si cette femme est coupable, elle se défend, malgré toute son habileté, avec une incroyable maladresse. C'est-à-dire qu'elle n'a sans doute été qu'un instrument entre les mains d'un complice. Un complice ? Rappelez-vous, monsieur le préfet, l'exclamation de son mari hier à la préfecture. Ah, les misérables, les misérables ! Il y a donc tout au moins un complice, qui n'est autre peut-être que cet homme dont, le brigadier Mazeroux a dû vous le dire, nous avons noté la présence au café du Pont-Neuf, en même temps que s'y trouvait l'inspecteur Véraud, un homme à barbe châtaine, porteur d'une canne d'ébène à poignée d'argent. De sorte que, acheva monsieur Desmalions, nous avons des chances, en arrêtant dès aujourd'hui, et sur de simples présomptions, madame Fauville, de parvenir jusqu'au complice. Perrena ne répondit pas. Le préfet reprit pensivement. L'arrêter, encore faudrait-il une preuve. Vous n'avez relevé aucune trace. Aucune, monsieur le préfet. Il est vrai que mon enquête fut sommaire. Mais la nôtre fut minutieuse. Nous avons fouillé cette pièce à fond. Et le jardin, monsieur le préfet ? Aussi. Avec autant de soin ? Peut-être pas, mais il me semble au contraire, monsieur le préfet, que les assassins ayant passé par le jardin pour entrer et pour repartir, on aurait quelque chance. Mazeroux, dit monsieur Desmalions, allez donc voir cela d'un peu plus près. Le brigadier sortit. Perrena, qui se tenait de nouveau à l'écart, entendit le préfet de police qui répétait au juge d'instruction. Ah, si nous avions une preuve, une seule. Il est évident que cette femme est coupable. Il y a trop de présomptions contre elle. Et puis, les millions de Cosmo Mornington. Et d'autre part, regardez-la. Regardez tout ce qu'il y a d'honnête dans sa jolie figure. Tout ce qu'il y a de sincère dans sa douleur. Elle pleurait toujours, avec des sanglots saccadés et des sursauts de révolte qui lui crispaient les poings. Un moment, elle saisit son mouchoir trempé de larmes, le mordit à pleines dents et le déchira comme font certaines actrices. Et Perenna voyait les belles dents blanches, un peu larges, humides et claires, qui s'acharnaient après la fine Baptiste. Et il songeait aux empreintes de la pomme. Et un désir extrême de le pénétrer de savoir. Était-ce la même mâchoire qui avait imprimé sa forme dans la chair du fruit ? Mazeroux rentra. Monsieur Desmalions se dirigea vivement vers le brigadier, qui lui montra la pomme trouvée sous le lierre. Et tout de suite, Perenna put se rendre compte de l'importance considérable que le préfet de police attribuait aux explications et à la découverte inattendue de Mazeroux. Un colloque assez long s'engagea entre les magistrats, qui aboutit à la décision que Don Luis avait prévue. Monsieur Desmalions revint vers Madame Fouville. C'était le dénouement. Il réfléchit quelques instants sur la manière dont il devait engager cette dernière bataille et il dit « Il ne vous est toujours pas possible, madame, de nous donner l'emploi de votre temps cette nuit ?» Elle fit un effort et murmura « Si, si, j'étais en auto, je me suis promené, et aussi un peu à pied. » C'est là un fait qui nous sera facile de vérifier, lorsque nous aurons retrouvé le chauffeur de cette auto. En attendant, il se présente une occasion de dissiper l'impression un peu fâcheuse que nous a laissé votre silence. Je suis toute prête. Voici. La personne ou une des personnes qui ont participé au crime a mordu dans une pomme qu'elle a ensuite jetée dans le jardin et que nous venons de retrouver. Pour couper court à toute hypothèse vous concernant, nous vous prions de vouloir bien exécuter le même geste. « Oh, sûrement » s'écria-t-elle avec vivacité. « S'il suffit de cela pour vous convaincre ?» Elle saisit une des trois autres pommes que M. Desmalions lui tendait et qu'il avait prise dans le copetier et la porta à sa bouche. L'acte était décisif. Si les deux empreintes se ressemblaient, la preuve existait, certaine, irréfragable. Or, avant que son geste ne fût achevé, elle s'arrêta net, comme frappée d'une peur subite. Peur d'un piège ? Peur du hasard monstrueux qui pouvait la perdre ? Ou plutôt, peur de l'arme effrayante qu'elle allait donner contre elle ? En tout cas, rien ne l'accusait plus violemment que cette excitation suprême, incompréhensible si elle était innocente. Mais combien clair si elle était coupable ? Que craignez-vous, madame ? Dit Monsieur Desmalions. « Rien, rien !» dit-elle en frissonnant. « Je ne sais pas, je crains tout. Tout cela est si horrible !»« Pourtant, madame, je vous assure que ce que nous vous demandons n'a aucune espèce d'importance et ne peut avoir pour vous, j'en suis persuadé, que des conséquences heureuses. Alors ?» Elle leva le bras davantage, et davantage encore avec une lenteur, où se révélait son inquiétude. Et vraiment, de la façon dont les événements se déroulaient, la scène avait quelque chose de solennel et de tragique qui serrait les cœurs. « Et si je refuse ?» dit-elle tout à coup. « C'est votre droit absolu, madame, » dit le préfet de police. « Mais est-ce bien la peine ? Je suis sûr que votre avocat sera le premier à vous donner le conseil. »« Mon avocat » balbutia-t-elle, comprenant la signification redoutable de cette réponse. Et brusquement, avec une résolution farouche et cet air en quelque sorte féroce qui tord le visage au milieu des grands dangers, elle fit le mouvement auquel on la contraignait. Elle ouvrit la bouche, on vit l'éclair des dents blanches. D'un coup, elles s'enfoncèrent dans le fruit. « C'est fait, monsieur, » dit-elle. Monsieur Desmalions se retourna vers le juge d'instruction. « Vous avez la pomme trouvée dans le jardin ? Voici, monsieur le préfet. » Monsieur Desmalions rapprocha les deux fruits, l'un de l'autre. Et ce fut, chez tous ceux qui s'empressaient autour de lui et regardaient anxieusement, ce fut une même exclamation. Les deux empreintes étaient identiques. Identiques ! Certes, avant d'affirmer l'identité de tous les détails, l'analogie absolue des empreintes de chaque dent, il fallait attendre les résultats de l'expertise. Mais il y avait une chose qui ne trompait pas. C'était la similitude totale de la double courbe. Sur un fruit, comme sur l'autre, l'arc s'arrondissait selon la même inflexion. Les deux demi-cercles auraient pu se confondre. Très étroits tous deux, un peu allongés et ovales, et d'un rayon restreint, qui était la caractéristique même de la mâchoire. Les hommes ne prononcèrent pas une parole. Monsieur Desmalions leva la tête. Madame Fouville ne bougeait pas, livide, folle d'épouvante. Mais tous les sentiments d'épouvante, de stupeur, d'indignation qu'elle pouvait simuler avec l'immobilité de sa figure et ses dons prodigieux de comédienne ne prévalaient pas contre la preuve péremptoire qui s'offrait à tous les yeux. Les deux empreintes étaient identiques. Les mêmes dents avaient mordu les deux pommes. « Madame ? » commença le préfet de police. « Non, non !» s'écria-t-elle, prise d'un accès de fureur. « Non, ce n'est pas vrai !» Tout ça n'est qu'un cauchemar. Non, n'est-ce pas? Vous n'allez pas m'arrêter. Moi, en prison? Mais c'est affreux, qu'ai-je fait? Ah, je vous jure, vous vous trompez. Elle se prenait la tête à deux mains. Ah, mon cerveau éclate. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Je n'ai pas tué pourtant, je ne savais rien. C'est vous qui m'avez tout appris ce matin. Est-ce que je m'en doutais? Mon pauvre mari. Et ce petit Edmond qui m'aimait tant et que j'aimais. Mais pourquoi les aurais-je tués? Dites-le, dites-le donc. On ne tue pas sans motif. Alors, mais répondez donc. Et secouée d'une nouvelle colère, l'attitude agressive, les poings tendus vers le groupe des magistrats, elle proférait. Vous n'êtes que des bourreaux. On n'a pas le droit de torturer une femme comme ça. Ah, quelle horreur! M'accuser, m'arrêter, pour rien! Ah, c'est abominable! Quel bourreau que tous ces gens! Et c'est vous, surtout! Elle s'adressait à Perenna. Oui, c'est vous, je le sais bien. C'est vous, l'ennemi. Ah, je comprends ça. Vous avez des raisons. Vous étiez là cette nuit, vous. Alors, pourquoi ne vous arrête-t-on pas? Pourquoi n'est-ce pas vous, puisque vous étiez là? Et que je n'y étais pas? Et que je ne sais rien, absolument rien de tout ce qui s'est passé? Pourquoi n'est-ce pas vous? Les derniers mots furent prononcés d'une façon à peine intelligible. Elle n'avait plus de force. Elle dut s'asseoir. Sa tête s'inclina jusqu'à ses genoux, et elle pleura de nouveau, abondamment. Perenna s'approcha d'elle, et lui relevant le front, découvrant la figure ravagée de larmes, il dit « Les empreintes gravées dans les deux pommes sont absolument identiques. Il est donc hors de doute que la première provient de vous, comme la seconde. « Non, dit-elle. « Si, affirma-t-il. C'est là un fait qu'il est matériellement impossible de nier. Mais la première empreinte a pu être laissée par vous avant cette nuit. C'est-à-dire que vous avez pu mordre dans cette pomme, hier, par exemple. » Elle balbutia. « Vous croyez? Oui, peut-être. Il me semble que je me rappelle, hier matin. » Mais le préfet de police l'interrompit. « Inutile, madame. Je viens de questionner le domestique Sylvestre. C'est lui-même qui a acheté les fruits hier soir à 8 heures. Quand Monsieur Fauville s'est couché, 4 pommes étaient dans le compotier. Ce matin, à 8 heures, il n'y en avait plus que 3. Donc, celle qu'on a retrouvée dans le jardin est incontestablement la 4e. Et cette 4e fut marquée cette nuit. Or, cette marque est celle de vos dents. » Elle bégaya. « Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi! Cette marque n'est pas de moi! » « Cependant, cette marque n'est pas de moi, je le jure sur mon salut éternel. Et puis je jure que je vais mourir, oui, mourir. J'aime mieux la mort que la prison. Je me tuerai. » Ses yeux étaient fixes. Elle se raidit dans un effort suprême pour se lever, mais une fois debout, elle tournoya sur elle-même et tomba évanouie. Tandis qu'on la soignait, Mazrou fit signe à Don Luis et tout bas. « Fichez le camp, patron !»« Ah, la consigne est levée, je suis libre ?»« Patron !» « Regardez l'individu qui vient d'entrer il y a 10 minutes et qui cause avec le préfet. Le connaissez-vous ?»« Nom d'un chien !» fit Perenna après avoir examiné un gros homme au teint rouge qu'il ne quittait pas des yeux. « Nom d'un chien ! C'est le sous-chef, Weber !»« Et il vous a reconnu, patron. Du premier coup, il a reconnu Lupin. Avec lui, il n'y a pas de camouflage qui tienne, il a le chic pour ça. Or, rappelez-vous, patron, tous les tours que vous lui avez joués. Et demandez-vous s'il ne fera pas l'impossible pour prendre sa revanche. » Il a averti le préfet ? Parbleu ! Et le préfet a donné l'ordre aux camarades de vous filer. Si vous faites mine de leur fausser compagnie, on vous empoigne. En ce cas, rien à faire. Comment rien à faire ? Mais il s'agit de les semer, et proprement. À quoi cela me servirait-il, puisque je rentre chez moi et que mon domicile est connu ? Hein ? Après ce qui s'est passé, vous auriez le toupet de rentrer chez vous ? Où veux-tu que je couche ? Sous les ponts ? Mais, crétonnerre, vous ne comprenez donc pas qu'à la suite de cette histoire, il va y avoir un tapage infernal ? Que vous êtes déjà compromis jusqu'à la gauche ? Et que tout le monde va se retourner contre vous ? Eh bien ? Eh bien, lâchez l'affaire ! Et les assassins de Cosmo Mornington et de Fauville ? La police s'en charge ! T'es bête, Alexandre ! Alors, redevenez Lupin, l'invisible et l'imprenable Lupin, et combattez-les vous-même comme autrefois. Mais pour Dieu, ne restez pas Perenna, c'est trop dangereux. Et ne vous occupez plus officiellement d'une affaire où vous n'êtes pas intéressé. T'en as de bonne, Alexandre. J'y suis intéressé pour 200 millions. Si Perenna ne demeure pas solide à son poste, les 200 millions lui passeront sous le nez. Et pour une fois où je peux gagner quelques centimes par la droiture et la probité, ce serait vexant. Et s'ils vous arrêtent ? Pas mèche, je suis mort. Lupin est mort, mais Perenna est vivant. Du moment qu'on ne m'a pas arrêté aujourd'hui, je suis tranquille. Ce n'est que partie remise. Et d'ici là, les ordres sont formels. On va cerner votre maison. Vous surveillez jour et nuit. Tant mieux, j'ai peur la nuit. Mais bon sang, qu'est-ce que vous espérez ? Je n'espère rien, Alexandre. Je suis sûr. Je suis sûr que maintenant, l'on n'osera pas m'arrêter. Weber se gênera. Je me fiche de Weber. Sans ordre, Weber ne peut rien. Mais on lui en donnera des ordres. L'ordre de me filer, oui. Celui de m'arrêter, non. Le préfet de police est tellement engagé à mon égard qu'il sera obligé de me soutenir. Et puis, il y a encore ceci. Il y a que l'affaire est tellement absurde, tellement complexe, que vous êtes incapable d'en sortir. Un jour ou l'autre, vous viendrez me chercher. Car personne d'autre que moi n'est de taille à combattre de pareils adversaires. Pas plus toi que Weber, et pas plus Weber que tous vos copains de la sûreté. J'attends ta visite, Alexandre. Le lendemain, une expertise légale identifiait les empreintes des deux pommes et constatait également que l'empreinte gravée sur la tablette était semblable aux autres. En outre, un chauffeur de taxi vint déposer qu'une dame l'avait appelé au sortir de l'opéra, qu'elle s'était fait conduire directement à l'extrémité de l'avenue Henri Martin et qu'elle l'avait quitté à cet endroit. Or, l'extrémité de l'avenue Henri Martin se trouve à 5 minutes de l'hôtel Fauville. Confronté avec Madame Fauville, cet homme n'hésita pas à la reconnaître. Qu'avait-elle fait dans ce quartier pendant plus d'une heure ? Marie-Anne Fauville fut écrouée au dépôt. Le soir même, elle couchait à la prison de Saint-Lazare. C'est ce même jour, alors que les reporters commençaient à divulguer certains détails de l'enquête, comme la découverte des empreintes, mais alors qu'ils ignoraient à qui les attribuer, c'est ce même jour que deux grands quotidiens donnaient comme titre à leurs articles les mots mêmes que Don Luis Perena avait employés pour désigner les marques de la pomme. Les mots « sinistres » qui évoquaient si bien le caractère sauvage, féroce et pour ainsi dire bestial de l'aventure. Les dents du tigre. Fin du chapitre 3.